On va écouter maintenant Hervé Lugas, qui va nous parler du problème technique de l'imprédictibilité. Oui, j'ai décidé de rester dans ma zone de confort et puis de parler de ce que je connais. Étant informaticien, je vais restreindre la partie technique. Et puis, je vous laisserai imaginer ce que bon vous semble basé sur cette partie qui est totalement technique. Donc, je vais me présenter. Vous m'avez vu hier à l'introduction, mais je suis Hervé Lugas, je suis professeur de l'université. Dans l'équipe, je suis dans l'équipe qui vient de changer de nom, qui s'appelle maintenant l'équipe Réva, la même que Yves. Et donc, chercheur à l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Donc, je vais commencer par une partie de contexte. On est dans le cadre d'un système technique, par exemple, qui pourrait être une œuvre numérique interactive, comme celle que vous avez sur les images. Vous voyez une œuvre qui s'appelle Conexa Viva de Colnas Benoznia. Et dans cette œuvre, on va trouver, ou dans ce système, souvent, et de plus en plus, un ou des systèmes en interaction. C'est-à-dire qu'on va avoir un système qui va mettre en interaction différents éléments techniques et un système éventuellement qui va pouvoir interagir aussi avec son environnement humain, donc avec une interaction entre la technique et l'humain. Éventuellement, bien entendu, on ne s'interdit pas d'avoir les deux. Et si vous regardez dans l'image qui est en bas et puis à gauche, là, on voit un éclaté de la forme et on voit bien qu'à l'intérieur, on trouve tout un tas de choses. Qui vont mettre en fait un système technique un petit peu compliqué, je ne vais pas dire très complexe, mais un petit peu compliqué. Et l'être humain peut interagir avec ce système, puisqu'il y a des capteurs sur cette forme, et en touchant la forme, ça permet de modifier le comportement de la créature que vous voyez en haut et qui est affichée. Alors un système informatique un peu complexe, ou un système technique un peu complexe, la problématique c'est que ça ne doit pas fonctionner 30 secondes et à un seul endroit. Si vous imaginez un système de gestion des aéroports, par exemple, c'est des choses qui doivent fonctionner 24 heures sur 24, partout, et quand ça ne fonctionne pas, ça peut poser beaucoup de problèmes. Et c'est la même chose pour ce que vous produisez, quand vous produisez des installations interactives, il faut que l'installation soit fonctionnelle, que vous puissiez la déplacer, qu'elle continue à marcher, et que vous n'ayez pas besoin d'avoir quelqu'un qui soit prêt à appuyer sur le bouton reset toutes les 30 secondes pour que ça continue à fonctionner. Donc l'œuvre, c'est quelque chose qui est de plus en plus, un système quelconque, c'est quelque chose qui est de plus en plus complexe. Et on pourrait se dire, c'est de la technique, c'est basé la plupart du temps sur de l'informatique. A priori, le système informatique, ça devrait être totalement prédictible, puisque, comme j'ai marqué, c'est des 1 et des 0, c'est un programme, comme le programme que j'ai marqué en haut à droite, qui est extrait de mon cours de Python que je fais au M2, qui verront dans les transparents plus tard quand on aura d'autres cours. Et ce programme, malgré tout, même s'il a été écrit avec amour par son programmeur, qui a cherché à faire qu'il fonctionne le mieux possible, parfois ça ne marche pas, comme vous le voyez avec le robot qui s'est cassé la figure au-dessous, alors qu'il n'aurait pas dû et que toutes les précautions ont été prises dans l'écriture du programme pour que ce robot fonctionne correctement. Donc, je vais commencer par énumérer dans ma présentation un certain nombre de choses qui font qu'on peut passer de quelque chose qui a été bien écrit normalement. Je néglige le fait qu'il puisse y avoir des bugs. Les bugs, on ne les considère pas, sinon ça veut dire que c'est mal écrit, donc c'est la faute de l'être humain qui a écrit. Mais pour me concentrer plutôt sur les raisons techniques qui ne sont pas directement inhérentes à la personne qui a écrit le programme, mais qui vont être plus inhérentes à l'environnement dans lequel s'exécute ce programme lui-même, ou l'environnement dans lequel fonctionne ce système technique lui-même. Donc, je vais passer en revue un certain nombre de facteurs possibles. Je ne prétends pas être exhaustif. Donc, normalement, on devrait avoir un système qui fonctionne correctement, mais on peut avoir des problèmes techniques. Des problèmes techniques, par exemple, je vais donner des exemples dans la suite, des générateurs aléatoires, des problèmes techniques liés à la manière dont le programme va être exécuté, des problèmes liés à la communication, donc John McCormack a parlé de problèmes aussi liés à des valeurs aberrantes, par exemple dans des capteurs, donc l'environnement qu'il faut complètement contrôler. On peut aussi avoir des problèmes, peut-être un petit peu plus rares, en tout cas pour les systèmes qui intéressent la création d'œuvres, c'est des problèmes d'instabilité numérique, mais qui peuvent arriver dès lors qu'on a un système qui tourne et qui fait beaucoup de calculs. On peut aussi avoir des problèmes conceptuels. Donc on va avoir des systèmes qui, de par leur conception, sont sensibles aux conditions initiales, et cette sensibilité fait qu'on ne va pas pouvoir prédire précisément leur comportement à part à contrôler complètement ces conditions initiales. Des systèmes au comportement non analysable analytiquement. On reviendra et je parlerai un petit peu de ce qu'a montré Yves hier. Et des systèmes à évolution autonome et dont on ne peut pas par nature bien prédire l'évolution. Donc, nous allons commencer par la problématique de l'aléatoire. Dans beaucoup de systèmes, on cherche à utiliser de l'aléatoire. Et l'aléatoire, pour un programme informatique, n'est pas réellement de l'aléatoire, puisqu'il faut faire de l'aléatoire à partir de quelque chose qui, normalement, est certain. Donc, pour produire de l'aléatoire, eh bien, on utilise ce qu'on appelle un générateur aléatoire. La plupart du temps, c'est une fonction dans un langage de programmation. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fonction est une fonction qui est biaisée, donc qui par nature ne sera pas devenue vraie aléatoire. De plus, cette fonction, pour réaliser son opération, va produire une série de nombres, et cette série de nombres, elle va la baser sur ce qu'on appelle une graine, qui est donnée initialement. Alors souvent, la graine, pour essayer d'avoir de l'aléatoire, la graine, on l'initialise à chaque fois qu'on lance le programme avec l'heure, par exemple. Mais il se trouve que si on ne le fait pas, on va toujours avoir la même série, donc on aura quelque chose qui se déroulera toujours globalement de la même façon, si on néglige les autres facteurs dont je vais parler dans la suite. Alors, il existe des solutions pour avoir de l'aléatoire meilleur que l'aléatoire de base que donnent les programmes. Donc, il existe des dispositifs. Par exemple, vous avez en photo un générateur quantique qui va se baser sur la mécanique quantique pour produire des séries de nombres aléatoires. Donc, on peut espérer que la qualité soit meilleure que le générateur par défaut. Il existe aussi des systèmes qui vont générer non pas M, mais des millions de nombres aléatoires, de manière à avoir quelque chose dont la distribution soit réellement uniforme, avec une équiprobabilité de tous les nombres que l'on pourrait avoir. Alors les petits dessins, c'est parce que c'est une présentation d'informaticienne, donc je me suis lancé, c'est la première fois que je le fais, donc je me suis lancé dans le petit dessin humoristique. Il n'y en aura pas beaucoup. Voilà, ça c'est le second, et puis après c'est fini. Deuxième chose qui peut arriver, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les ordinateurs, quels qu'ils soient, peut-être à l'exception des Arduino pour l'instant, mais les ordinateurs, quels qu'ils soient, font dérouler plusieurs applications en même temps. Donc là, vous avez ce qui tournait quand j'ai fait le transparent il n'y a pas longtemps. Là, vous avez ce qui tourne dans ma machine en ce moment. Enfin, on ne voit pas tout, bien évidemment, puisque si vous regardez, le nombre qui est important, c'est ce qui a marqué là-haut. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Non. Ce n'est pas le bon écran. Mais je vais pallier ce problème. Non, il est là. Le voilà. Vous voyez ici, il y a 378 programmes qui sont en train de tourner en même temps dans mon ordinateur. Pourtant, je ne fais pas grand-chose. Juste, je vous montre un PowerPoint. Il n'y a même pas de vidéo pour l'instant. Il n'y a rien. Donc, ces 378 programmes, ils vont se partager les ressources. Ce n'est pas vous qui gérez la manière dont ils vont se les partager, c'est le système. Et donc, potentiellement, si vous voulez que votre programme se déroule d'une certaine façon, il est possible que l'accès à une ressource, à un moment donné, soit bloqué parce que les 377 autres, eh bien, auront commencé à utiliser ces ressources-là, cette ressource, et donc le système ne vous la louera pas. Donc, du coup, votre programme fera autre chose. Alors, vous pouvez regardez ce que ça. Pour imaginer cette fonction. Attendez. Je vais enlever ça. J'ai plus besoin. Voilà. Voilà, donc en fait, les ressources, eh bien, c'est comme la machine à écrire que vous avez en bas. Vous voyez ce qui se passe. Quand on fait une session de travail habituelle, nous, on change de programme. L'ordinateur, c'est pareil. Vous commencez à écrire une lettre, et puis vous changez de programme pour aller taper une URL, et puis vous changez de programme pour revenir écrire la lettre, et ainsi de suite. Alors, ça c'est au niveau système, mais en fait, si le système fait ça, il y a quelques temps, c'était pour permettre aux ordinateurs d'être utilisés par plusieurs personnes, et maintenant, il faut que je récupère ma souris du bon côté. Maintenant, c'est aussi parce que pour des questions techniques, eh bien, on ne peut plus faire des processeurs qui soient le plus puissants possible de manière unitaire. On est obligé de faire des processeurs qui comportent plusieurs organes de calcul. Et donc, ces organes de calcul vont eux-mêmes être en parallèle et donc rajouter de la complexité par rapport eh bien, à une exécution purement linéaire de votre programme. De plus, si on regarde ça de manière un peu plus fine, les processeurs eux-mêmes, vous le voyez si vous achetez une machine, eh bien, ont des fréquences qui sont non plus uniques, mais une plage de fréquences. Ils sont capables d'éteindre des cœurs pour faire accélérer d'autres, en fait. Donc ça devient totalement non gérable, sauf à mettre en place des méthodologies de programmation qui sont très complexes. Alors, ça, c'est si on est sur une seule machine. Mais quand on a plusieurs machines, eh bien, si on veut que les systèmes communiquent, ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de réseau ou de bus de communication entre les machines. Et cette communication en réseau va être elle-même une cause de désynchronisation. Vous allez envoyer un message, vous n'êtes pas sûr qu'il est bien reçu, vous n'êtes pas sûr du délai qu'il a mis pour arriver. Donc le traitement peut faire que finalement votre système ne fonctionne pas. On a tous vécu avec les machines modernes, que ce soit les ordinateurs ou les télévisions ou autres, ce phénomène-là avec le bouton de volume. C'est-à-dire vous appuyez sur le bouton de volume, le volume ne baisse pas, vous voulez baisser le volume. Vous appuyez sur le bouton, le volume ne baisse pas, vous appuyez 15 fois sur le bouton, en fait il a enregistré les 15 fois où vous avez tapé votre commande, et puis ça le baisse trop, donc vous le remontez, et ainsi de suite. Éventuellement, ça prend un petit moment avant que vous arriviez à stabiliser le système. Mais la communication entre deux systèmes techniques, ça peut être la même chose. Il y en a un qui envoie des messages. Les messages mettent un certain temps pour des raisons diverses à être reçus. Donc si votre système en envoie un parce qu'il pense que la commande n'a pas été prise en compte, eh bien, on arrive à une incohérence. Ou si votre système n'en renvoie pas parce qu'il pense que de toute manière ce sera pris en compte à un moment donné et que le message s'est perdu parce qu'il était, il y a eu des interférences ou je ne sais pas quoi, eh bien, mais aussi dans un état incohérent. Alors une autre problématique qui peut gérer de l'imprédictibilité, c'est lorsqu'on passe au réel. Donc déjà, quand on reste dans un système informatique, on peut avoir un certain nombre de problèmes qui sont ceux que je viens de vous lister, mais quand on passe au réel, on va utiliser des capteurs. Or, un capteur physique, d'autant plus si on n'y met pas un prix certain, ça Yves pourrait vous en parler avec un capteur laser de distance qu'on a utilisé sur une machine, une voiture autonome il y a un mois, un capteur, c'est quelque chose qui ne va jamais fournir une valeur précise et constante, sauf à vraiment avoir un capteur de très haute qualité. Mais sinon, eh bien, ça va vous fournir tout un tas de valeurs autour d'une moyenne. Et donc, si vous basez votre programme sur la valeur instantanée, vous risquez de vous retrouver avec un programme qui ne fonctionne pas correctement, encore une fois. Alors, on a aussi, dans ces données qui sont issues du monde réel, eh bien, les interactions avec l'être humain étant lui-même, même si statistiquement c'est pas forcément tout à fait vrai, mais au niveau unitaire, en tout cas, l'être humain est souvent imprévisible. Et donc l'interaction qu'il va essayer de faire avec votre système, c'est peut-être pas celle que vous aviez prévue vous. Et donc vous allez vous retrouver dans une situation que vous n'aviez, enfin le programme va se retrouver dans une situation qu'il n'aura peut-être pas envisagée. Voilà, enfin une dernière cause vraiment technique dont je voulais parler, c'est de l'instabilité numérique. Donc l'instabilité numérique, c'est tout simplement que quand vous enchaînez beaucoup d'opérations, eh bien, vous allez perdre en précision. Et le fait que vous ayez perdu en précision va faire que, in fine, le résultat sera pas celui qu'il devrait être. On peut avoir des divergences assez importantes lorsque vous enchaînez beaucoup d'opérations mathématiques avec un système informatique. Alors vous l'avez tous vécu étant petit, si vous prenez une calculatrice, que vous mettez 2, vous appuyez 30 fois sur racine carrée, et puis vous appuyez 30 fois sur au carré, vous ne trouverez pas 2. Parce que tout simplement, il y a de la précision qui s'est perdue. Alors ensuite, là, si on suppose que tout ça est déjà géré, on peut aussi avoir des systèmes qui sont imprédictibles. parce que on a utilisé des systèmes dont la dynamique elle-même est inconnue. Alors par inconnue, je n'entends pas le fait qu'elle n'est pas prédictible en elle-même, c'est-à-dire que par exécution unitaire, elle n'est pas prédictible, mais j'entends le fait que le système que l'on utilise est tellement complexe que il va être quasi impossible de prévoir sa dynamique. En gros, il y a tout un tas de systèmes que l'on peut formaliser mathématiquement, donc qui en fait ont une dynamique qui peut être totalement analysée, mais simplement, leur instantiation fait qu'on va se retrouver dans des conditions où ils seront éventuellement soit mal calculés, mal initialisés, et donc on va se retrouver dans des systèmes dont on ne pourra pas prédire, in fine, l'évolution. Donc on a des systèmes qui sont très sensibles aux conditions initiales, donc en particulier des systèmes qui utilisent des systèmes d'équations différentielles qui mènent à des états qui sont proches du chaos, donc ce qui est à la frontière du chaos. Donc là, on a par exemple un attracteur qui est fait en sculpture, en impression 3D. Cet attracteur, selon la condition initiale, l'état dont on va partir, qui peut éventuellement lui dépendre d'un capteur par exemple, eh bien on va parcourir cet attracteur de manière totalement différente, même si on reste dans la même enveloppe de corps. Donc du coup on aura un système qui, dont le comportement ne sera pas complètement prédéfini. Pour rejoindre ce que disait Yves, on peut être dans le cas des réseaux d'interaction, donc dans lequel on va propager des valeurs numériques entre différents éléments. Les facteurs d'imprédictibilité peuvent être notamment dans la dynamique elle-même du réseau, lorsque ces réseaux sont rebouclés. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie des sorties, enfin de points de sortie ou de points milieu du réseau qui vont être réutilisés et re-rentrés dans les réseaux. Donc vous avez par exemple des réseaux de neurones artificiels, c'est ce qu'il y a sur le dessin de gauche, ou des réseaux de régulation génétique qui sont par nature, eux, complètement interconnectés entre tous les points du réseau. Et la dynamique de ces réseaux est tellement complexe qu'il est impossible de la formaliser dès lors qu'il y a un nombre d'éléments suffisant à l'intérieur. Évidemment, si on fait un réseau de neurones avec 10 neurones artificiels, ou si on fait un réseau de régulation génétique avec 5 protéines virtuelles, eh bien on va se retrouver avec quelque chose qui sera prédictible. Mais dès lors qu'on en met plus, on ne sait pas le faire. Je ne vais pas dire que c'est totalement impossible, mais on ne sait pas le faire. Et en tout cas, on ne sait pas le faire de manière assez correcte pour pouvoir avoir dire dans X temps, eh bien le réseau en sera à tel état. Donc si on prend les réseaux de neurones, par exemple, qui, d'ailleurs, avec les réseaux de régulation génétique artificielle, constituent ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA numérique, par opposition à l'IA formelle, ou à l'IA symbolique. Eh bien, ces réseaux que l'on a générés automatiquement, alors que ce soit par apprentissage, ou que ce soit par évolution, il est en pratique très difficile de connaître les limites valides du comportement que l'on a fait apprendre. C'est-à-dire qu'on les a entraînés dans un certain nombre d'environnements. À partir de ces environnements-là, on a modifié leur structure, et puis on a obtenu quelque chose qui donnait satisfaction sur un ensemble de données qui servent à leur entraînement. Et si on transpose, on sait qu'autour de ces données d'entraînement, il va y avoir un halo dans lequel ils vont être capables de généraliser leur comportement, donc de continuer à agir correctement, même si les données qu'on donne ne sont pas celles qu'on leur a fournies pour les entraîner. Mais jusqu'où va ce halo, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Donc on peut très bien leur donner des images de chats pour reconnaître, ils vont reconnaître des chats, et puis un jour on en donnera un où le chat aura un angle particulier, et puis ça dira que c'est, je ne sais pas moi, un hamster. Donc, on a un halo dans lequel le réseau se comporte correctement, mais on ne sait pas caractériser ce halo de manière formelle, c'est-à-dire dire si la valeur c'est ça, ça ne marchera pas. Donc en soi, c'est quand même un petit problème. Et c'est ce qui fait que ces systèmes-là, tout seuls, à mon avis, ne sont pas prêts à conduire des avions pour l'instant. Ni même des voitures, sans avoir un autre programme qui contrôle que leur validité existe. Enfin, que leur validité... Donc vous avez un exemple tout en bas par rapport à ce qu'a dit Yves hier. C'est comment est-ce qu'on produit un chat à partir de gris blanc. Donc on a un réseau qui a été entraîné pour reconnaître et, en passant dans l'autre sens, produire des images de chat. Je vais revenir en passant dans l'autre sens dans la diapositive qui suit. En lui donnant du bruit en entrée et en faisant repasser ce bruit de manière graduelle dans le réseau, eh bien, on obtient, comme vous le voyez à droite, en bas à droite, une image qui est une image de chat. Alors là, l'image que j'ai prise, c'était celle que j'avais qui est issue d'une mémoire d'un étudiant qu'on a encadré. C'est du chat, c'est un chat, mais en plus, il y a un style, puisqu'on avait aussi entraîné le réseau à générer des peintures selon un certain style. Donc là, c'est pour ça qu'on avait deux. Si on n'avait pas fait ça, si on n'avait pas entraîné pour le style, il y aurait une image de chat qui ressemblerait quasiment à une photo, même si ce chat n'aurait jamais existé. Je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. Alors, ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, le réseau qu'on a utilisé pour générer ce chat, on lui avait appris deux choses. On lui avait appris à la fois à recopier un style de peinture et à la fois à reconnaître des chats. Et donc, du coup, quand on lui a demandé de générer, il a généré un chat avec le style de peinture qu'il avait appris. Voilà, il n'a pas généré un chat photoréaliste. On lui aurait juste appris à reconnaître des photos chats, il aurait fait quelque chose qui ressemble à une photo. Et par rapport à ça, la question de l'itération, que vous montrez ici, je n'ai pas compris l'articulation par rapport à ce que vous venez de dire précédemment. Le nombre d'itérations, c'est le nombre de fois où on va représenter l'image en entrée du réseau. On représente l'image en entrée, ça, on passe dans le réseau, comme il y a ici, voilà, on passe au travers du réseau, et on a une image en sortie. Donc le réseau est composé de différents blocs. Cette image en sortie, on la reprend, on la remet en entrée. Et au bout d'un certain temps, comme il a appris à générer, dans un sens, des classifications à partir d'images de chat, il va être capable de refaire une image de chat. Ça, je comprends, mais pourquoi est-ce que d'une itération de plus en plus grande, on arrive à des images de moins en moins... Enfin, pas de plus en plus précises, mais différentes. C'est parce qu'en fait, en un seul coup, il part de l'image de départ. En fait, c'est comme si, à chaque fois, il allait apporter des petites touches sur l'image de départ. Donc au départ, il apporte un certain nombre de petites touches dessus. On obtient une image qui va être une image toujours assez bruitée, puisqu'on est parti d'un bruit. Et petit à petit, on va avoir les touches successives qui vont arriver, et des niveaux de détail de plus en plus importants qui vont arriver. Voilà, donc ces réseaux sont des réseaux qui sont composés d'un certain nombre d'éléments, et ces éléments eux-mêmes, eh bien, peuvent apprendre de manière séparée pour réaliser un certain nombre de tâches. Ouais, je l'ai là. Alors, c'est toujours pas du bon côté, ça va obliger à bouger un petit peu. Donc voilà un autre exemple d'entraînement de ces réseaux-là. Ça, c'est le travail d'un étudiant que j'ai en thèse dont parlait Yves hier. On apprend ces réseaux à jouer à des jeux vidéo. Donc ils apprennent. Alors, voilà, ici, ils apprennent sur des jeux qui sont des jeux Atari dans un environnement simulé. Et on donne au réseau en entrée uniquement l'image du jeu, enfin les images de manière dynamique successive du jeu, et on le récompense selon le score qu'il réalise. Et tout seul, le réseau, et en sortie, bien sûr, on a les commandes, qui sont les commandes équivalentes au joystick que l'on aurait pour jouer. Et donc le réseau tout seul apprend à faire les bons mouvements pour arriver à progresser dans le jeu. Alors, j'en ai un. Hop. voilà, sur un autre jeu qui s'appelait Centipede. Alors ces jeux sont utilisés parce qu'à la fois ils ont un graphisme qui est très simple, donc c'est en entrée, on rentre quand même pas quelque chose qui est une image issue d'une caméra, quoi. C'est vraiment quelque chose de très simple, avec des couleurs qui sont très tranchées, donc ça maximise les possibilités du réseau d'apprendre. En plus, les jeux sont relativement simples. Donc voilà, les réseaux trouvent des stratégies, en général pas forcément très intéressantes pour l'instant, pour jouer. Et je vais arrêter avec Centipede, je vais vous montrer Qbert. Voilà, donc à Qbert, le réseau a trouvé une stratégie qui est, et là encore on rejoint l'imprédictible, qui est d'exploiter une faille du simulateur dans lequel il tourne. Et donc il a trouvé un mouvement qui, quand il le fait, fait qu'il marque des points sans perdre de vie. Donc il ne cherche pas à se déplacer sur l'intégralité. Le Qbert, ce qu'il contrôle, c'est ce qu'il y a en haut, là, le personnage en orange. Il ne cherche pas à le déplacer. Simplement, quand l'autre arrive, il saute et il marque des points. Parce qu'il a trouvé un timing parfait qui fait qu'en faisant ce saut-là, eh bien, il y a un bug dans le programme de Qbert. Il ne perd pas de points, il ne perd pas de vie, mais il gagne des points. Qui a trouvé ça ? Le programme. Ah bon. Et c'est quelque chose de reproductible. C'est-à-dire que Denis, mon étudiant, m'a dit, mais j'ai refait... En jouant et en faisant le timing comme le fait le programme, effectivement, c'est un bug du programme. Donc il a exploité. Donc en fait, c'est peut-être la meilleure stratégie, puisqu'on peut continuer comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de courant. Ou jusqu'à ce que le score s'arrête, puisque dans ces jeux anciens, il y avait une limite pour le score. Alors, quand on génère ces systèmes-là, pour une même expérimentation, pour un même environnement, on peut obtenir différents comportements. Des comportements donc qu'on n'a pas programmés, puisqu'on a généré la chose automatiquement. Et sur deux simulations que l'on lancerait pour faire générer ces contrôleurs, dans ce cas-là, c'est des réseaux aussi qui contrôlent. Sur deux fois où on va lancer pour générer, on n'aura jamais deux fois le même comportement qui va apparaître, puisqu'on a un schéma d'apprentissage qui est différent dans les deux cas. Donc vous voyez, alors si j'y clique dessus, est-ce qu'il se lance ? Est-ce que j'ai une chance que ça marche comme ça ? Oui. Voilà, on voit différentes stratégies. Là. En fait, les verts, ils doivent taper le rouge. Vous voyez différentes stratégies qui sont faites. Là, pour que ça, ils étaient plutôt en ligne. Là, ils font comme une sorte de formation autour du carré du milieu. Ils doivent empêcher le rouge d'aller au carré du milieu. Voilà, mais nous, on n'a jamais programmé ça. C'est sur des apprentissages différents que ces différentes stratégies sont apparues. Alors, tout à l'heure, Jean-Marc Cormac a parlé d'évolution. Donc là aussi, quand on met de l'évolution à l'intérieur d'un système, eh bien, on peut se retrouver face à un petit problème. Donc l'évolution artificielle, c'est quelque chose qui, c'est assez simple, ça marche selon ce que vous voyez là en bas. Au départ, on génère toute une population d'individus, et puis cette population, on l'évalue, c'est-à-dire on met une note à chaque individu, et puis on sélectionne ceux qui nous semblent les plus prometteurs, en gardant qui sont moins prometteurs, pour essayer d'avoir de la diversité dans la population. Et puis les individus, on les fait se mélanger entre eux, et puis on les réévalue, ça c'est ce qu'on appelle la boucle, c'est ce qu'on appelle une génération, et puis on fait des centaines, des milliers de générations, et le problème qui se pose, c'est jusqu'à quand. Donc quand on a un problème dont on connaît la solution, évidemment on peut s'arrêter quand on a trouvé la solution qu'on connaissait, où on peut poser un critère pour dire la solution est satisfaisante parce que je suis à tel niveau par rapport à quelque chose que j'avais fixé. Mais en général, l'évolution, c'est comme l'évolution dans la nature, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Donc du coup, on n'est jamais sûr du moment où il faudrait arrêter notre système d'évolution. Puisqu'on n'est jamais sûr qu'on a obtenu la meilleure solution que l'on cherchait ou la population qui répond le mieux au problème que l'on se posait. Surtout que, typiquement, plus le temps passe et plus les progrès réalisés lors de chaque génération sont faibles. Donc vous avez une courbe typique, elle ne me satisfait pas, mais c'est celle que j'ai trouvée quand j'ai fait les transparents, il aurait fallu que j'en génère une autre. Mais vous avez une courbe typique d'évolution, en haut c'est la courbe rouge que vous avez là-bas, et vous voyez des fois qu'il y a des sauts dans l'évolution. On voit que ça évolue lentement, et puis tout d'un coup, il y a un moment, probablement une mutation a fait que la population est allée explorer ailleurs, dans l'espace des solutions du problème qu'elle essayait de résoudre, et dans cet ailleurs, après, elle a réussi à progresser plus vite, et puis à nouveau, après, on se retrouve face à un palier, et ce palier il peut durer un certain temps qu'on ne maîtrise pas. Et puis, au bout d'un moment, il y aura une mutation et on va à nouveau avoir une évolution qui va se produire. Donc ça, on ne le maîtrise pas, d'où le problème du critère d'arrêt, qui fait qu'on ne sait jamais quand on aura la meilleure solution. Alors, pour conclure, donc les systèmes, ils ont en fait, avec l'évolution des machines, les systèmes ont en plus de raisons de devenir imprédictibles, puisqu'ils sont de plus en plus complexes de par la nature même de leur création. Que ce soit au niveau de la partie technique elle-même, ou que ce soit au niveau de la partie de ce qui est utilisé au point de vue de l'algorithme, on va se retrouver face à des choses qui sont dont le comportement va être de plus en plus difficile à borner à un sous-ensemble que l'on souhaite. Alors, pour moi, je ne vois qu'une seule solution, qui est celle qui est utilisée en ingénierie, lorsque je parlais des systèmes dans les aéroports ou autres, lorsqu'on essaie de faire un système comme ça, ou les systèmes de contrôle des véhicules autonomes. En fait, les seules solutions consistent à utiliser des environnements de développement qui proposent par eux-mêmes, à l'intérieur de l'environnement, et bien des fonctionnalités qui vont essayer de limiter les problématiques qui peuvent arriver, que j'ai citées précédemment. Donc ils vont gérer les concurrences, qui vont gérer des capteurs incertains, qui vont proposer tout un tas de choses pour permettre de pallier ces problématiques-là. Bon, qui sont à la fois, on peut le voir aussi comme ça, une richesse de ce que l'on développe. Parce que aussi bien il est aussi difficile, je dirais, quasiment d'avoir un système que l'on puisse complètement borner que d'essayer de faire un système qui soit imprédictible par lui-même dans un sens que l'on souhaiterait. Voilà, je vous remercie. Et je m'excuse parce que je dois vous laisser parce que j'avais une réunion à 10h30. Ça c'est pas juste. Non. Pas de question du tout. À cause de la deuxième phrase, là, c'est le hasard. Est-ce qu'on parle parfois enfin, juste une question. Pendant que je plie, vous pouvez poser des questions. Voilà, une question rapide. Je démarre. Donc tu as présenté plusieurs facteurs qui peuvent amener de l'imprédictibilité dans les systèmes complexes. D'après toi, quel est celui qui impacte le plus la prédictibilité, c'est-à-dire celui sur lequel il faut davantage travailler ou circonscrire? Alors, pour un système relativement qui ne demande pas une somme de calcul très importante, je pense que ça peut être davantage la communication, qui soit vraiment le premier problème auquel l'on se heurte, et les capteurs. Vraiment ce qui est extérieur au système lui-même. Après, les questions de gestion par le système, le multitâche, tout ça, ça viendra si on a besoin d'avoir une application qui soit un peu critique au niveau de ses traitements, qui essaie d'aller vers le temps réel, des choses comme ça. Mais sinon, pour une application très simple, on a tellement de... les systèmes sont tellement puissants aujourd'hui qu'on a, on le voit pas. Est-ce que je peux poser une question ? Quand on veut avoir une voiture autonome, on travaille sur le programme de reconnaissance de l'environnement. Mais si je comprends bien, il faudrait aussi travailler sur l'environnement, que l'environnement soit programmé pour qu'on ait une solution sécuritaire. Alors, on n'est pas encore à mettre des airbags dans les rues. Non, mais néanmoins, il y a un certain nombre de... Aujourd'hui, pour les véhicules autonomes, il y a un travail qui est fait dans les environnements dans lesquels ils sont testés, avec des signalétiques qui sont positionnées pour ces véhicules-là de manière spécifique. Donc Alors, il y a des essais en route ouverte qui existent, mais dans la plupart des cas, il y a quand même une signalétique spécifique qui permet au véhicule de s'aider à se reconnaître. Ensuite, il faudrait travailler sur l'environnement dans lequel le programme se déroule lui-même, c'est-à-dire essayer d'avoir une... si on suppose que l'on a reconnu l'environnement extérieur, il faut aussi travailler sur l'environnement intérieur du système de pilotage pour avoir pour mettre des programmes qui vont servir de bornes à d'autres programmes. Un petit peu comme dans les avions, vous savez que les avions qui ont des systèmes de pilotage automatique, depuis plusieurs années, ils ont plusieurs calculateurs qui sont conçus différemment, avec des programmes conçus par des gens différents, et ils font voter à ces calculateurs pour savoir quelle est la manœuvre qu'ils vont faire. Normalement, comme c'est les mêmes programmes, enfin c'est les mêmes spécifications, tous les calculateurs devraient donner la même réponse. Or, ce n'est pas le cas, donc la solution qui a été choisie, c'est d'en avoir plusieurs, un nombre impair évidemment, parce qu'un nombre pair pourrait mener à un certain problème. Et ils votent de manière à savoir quelle est la manœuvre qui va être réalisée. Non. C'est pas complètement rassurant. Elle ne tombe pas cependant. Je vous remercie. Merci.